Chapitre 10e. Le lendemain matin, en s'éveillant, l'Institut tout entier apprit qu'on avait trouvé du monde au réfectoire la nuit. Le panier de gourmandise était resté à l'abandon, et le premier qu'il avait trouvé se l'était approprié, non sans se demander d'où il venait. Le soldat de service, sûr d'être renvoyé et puni par-dessus le marché, avait réclamé au moins quelques petites consolations sous forme de victuailles et l'avait obtenu. Aussi, quand la directrice se souvint de cette pièce de conviction, il l'envoya demander. Il se trouva qu'il n'était jamais entré de panier semblable dans l'Institut. Au moins, personne ne l'avait vu. Qui parla le premier de cette aventure? Comment le bruit courut-il de couloir en couloir? Nul ne saurait le dire, mais à 7 heures du matin, les trois grâces savaient, à n'en point douter, que leur secret était découvert. « Bon, j'avais toujours pensé que cela finirait par là, » dit philosophiquement Olga, en réponse aux lamentations de ses compagnes. « Mais nous allons être renvoyés. On n'avoue pas, » proféra la jeune fille en peignant sans se presser les nattes merveilleuses de ses cheveux moirés, qui lui tombaient plus bas que le genou. « On n'avoue jamais. Ce sont les imbéciles qui avouent. Mais alors on punira toute la classe. On ne renvoie pas toute une classe. C'est ça qui ferait du scandale. Sois tranquille, madame la supérieure est plus en peine que nous de la manière dont tout cela va finir. » Cette jeune personne, profondément versée dans la science du cœur humain, se trouvait avoir parfaitement raison. La supérieure eût donné beaucoup pour que nul, hormis elle, n'eût eu connaissance de l'affaire. Elle alla même jusqu'à regretter l'aspiration qui l'avait conduite au réfectoire, et dans son inquiétude, elle se décida à envoyer chercher Madame Sekourov, dont les conseils étaient toujours si excellents au fond et si impraticables dans la forme. « Il y a donc du nouveau chez vous ?» dit celle-ci en entrant. « Comment ?» fit la directrice, tombant des nues. « Vous savez, je l'ai appris en me levant. Voyons, est-ce toute une classe séduite par tout un régiment ou bien n'est-ce qu'une abominable plaisanterie ?» Madame Batourov mit son amie au fait, sans rien lui déguiser, car c'était une conscience avec laquelle il fallait parler clair. « Et vous ne savez pas le nom des demoiselles ?» demanda Madame Sekourov quand elle eut tout entendu. La supérieure réfléchit un moment. « Je me demande, » dit-elle ensuite, « si je ne ferais pas mieux de ne pas le savoir. Il faut le savoir, à tout prix. La chose est trop connue. Grâce à ce monde de rapporteurs et de cancanières qui grouillent autour de vous, il faudra une satisfaction à l'opinion publique. On la lui donnera, » soupira Madame Batourov. 5 minutes après, Groucha parut à la porte. Sa maîtresse devina qu'elle avait quelque chose à lui apprendre et sortit un instant. Elle revint, la figure tellement bouleversée que Madame Sekourov en fut effrayée. « Qu'y a-t-il? Un nouveau malheur? Non, non, ma chère amie, mais je suis bouleversée. Je viens d'apprendre leur nom. Eh bien, impossible de les dire, même à vous. Jugez de ma position. Est-ce bien certain? Absolument sûr. La femme de chambre de ce dortoir-là savait tout depuis la rentrée des classes, et ce matin, prise de frayeur, elle est venue se confesser à Groucha. « Ce sont de grandes familles ?» La supérieure fit un signe affirmatif. « Conseillez-moi, » reprit-elle. « Je ne puis rien vous conseiller. Il y a des circonstances où le plus grand service qu'on puisse rendre à un ami est de ne rien lui dire, afin qu'il ne se repente pas de vous avoir écouté. » Madame Sekourov s'en retourna chez elle, et la supérieure fit venir l'inspectrice. Celle-ci arriva aussi consternée que ses plus chers ennemis eussent pu le désirer. Elle aussi savait les noms des jeunes filles, et certes, si l'esprit malin s'en fut mêlé, il eût précisément choisi ces trois-là, la fleur de notre institut, comme disaient avec complaisance les autorités de ce lieu lors des visites impériales. « Je ne vous ferai pas de reproches en ce moment, » commença la supérieure, de son air le plus gourmé. « Nous en reparlerons plus tard. Actuellement, il faut aviser. Peut-on punir ces trois jeunes filles ? Croyez-vous possible de faire un éclat ? L'inspectrice répondit par un signe négatif. Cependant, reprit Madame Batourov, le bruit en est répandu partout. Impossible de l'étouffer à présent, d'autant plus que très probablement les jeunes gens auront parlé à leurs compagnons d'armes. Mon Dieu, quel embarras ! À quoi pensaient les dames de classe, et vous-même ? Mais je ne veux pas aborder ce sujet à présent. Comment faire ? La supérieure s'assit dans le coin le plus éloigné de la porte, et l'inspectrice se rapprochant, elles se mirent à chuchoter ensemble. La conversation dura une bonne demi-heure, après quoi Madame Batourov se leva et fit le signe de la croix en disant « Que le Seigneur me soit en aide. Il est des nécessités cruelles, et le cœur me saigne en pensant. Mais vous l'avez dit, un éclat est impossible. Envoyez-moi, mademoiselle Gravinoff.